Il m'est parfois arrivé, pour une meilleure compréhension du texte, de moderniser tel mot ou telle expression. Que Molière me pardonne. Argan, seul dans sa chambre, assis, une table devant lui, compte ses factures d'apothicaire et conclut. De ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je dirai à M. Purgon, mon médecin, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, commode tout ceci. Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Il sonne une sonnette pour faire venir ces gens. Ils n'entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drolin, Drolin, Drolin. Point d'affaire. Drolin, Drolin, Drolin. Ils sont sourds. Toinette. Drolin, Drolin, Drolin. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine. Drolin, Drolin, Drolin. J'enrage. Il ne sonne plus, mais il crie. Drolin, Drolin, Drolin. Carogne à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drolin, Drolin, Drolin. Voilà qui est pitoyable. Drolin, Drolin, Drolin. Ah, mon Dieu! Ils me laisseront ici mourir. Drolin, Drolin, Drolin.